C'est Skyrock, premier sur le rap le dimanche soir, premier sur les classiques avec la Funky Family, le gros son de Marseille, c'était Hard de Rue. Skyrock Classics, Classics, KLA2SIKS. C'est l'orthographe si vous voulez tweeter, réagir à l'émission KLA2SIKS, Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches, on est rentré 40e en TT, donc si vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas, envoyez-nous des petits tweets. Il y en a déjà plein qui arrivent dans le studio hein, en masse. Avec Chutery, j'écoutais Skyrock Classics en taffant le dernier jour de vacances. C'est Bagdad sur mon bureau. Et puis Thibaut du 62 aussi. C'est tout juste si je vais pas prendre la voiture pour écouter cette émission. Bah si, vas-y, mets-toi bien, fais un petit tour dehors. Skyrock Classics, restez bien branchés. Il y a du gros son à écouter tous les dimanches soirs sur Skyrock avec Timbaland maintenant à retrouver, c'est The Way I Are. Et puis Rihanna sur le son de T.I. juste après pour Live Your Life sur Skyrock. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dough, you go want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there, want you there, yeah. Classique. My life, my life, hey. My life, my life. This is special what's happening to all my life, all my soldiers my over there in Iraq. My let's get it to them, baby girl. My hey, hey, hey, hey, hey, haters say ignore them till they fade away. Amazing they are great, but after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. You'd still be wasting days away now had I never saved the day. Can pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. You're gonna be trying to stop, that's right. Hey!

Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Skyrock, premier sur les classiques, premier sur les Fugees avec Fuji. Là, il y a des messages dans tous les sens. Kitam, Fuji, ça restera toujours une valeur sûre de la scène urbaine. Et puis Jules du 02 aussi, ce petit Fuji, ce qui fait plaisir. Merci Skyrock. Et bah ouais, Skyrock Classics jusqu'à 20h. Skyrock Classics, la toute nouvelle émission de Skyrock. Ouais, c'est tout nouveau et ça déchire en plus. Deux heures de son 100% hip-hop, 100% classique avec Skyrock Classics tous les dimanches soirs. C'est votre rendez-vous, vous terminez le week-end surpuissant. Il y en a même qui terminent les vacances. Bon courage à vous pour la reprise demain. Et pour tous les autres, le son de Skyrock, c'est reparti maintenant pour une nouvelle heure de son 100% classique avec C'est Fiu, la Skyrock version de Mon Public, un son qui fait super plaisir. En plus, c'est la version unique où il disait Skyrock la famille. Skyrock la famille. Comment ça va, C'est Fiu, depuis le temps Skyrock. C'est Fiu en pleine forme, à écouter tout de suite. C'est Fiu, Skyrock version, c'est Mon Public. Juste après Wiz Khalifa, Roll Up. Et puis le gros son de Macklemore tout de suite, c'est Ken Holdus sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock, Skyrock. Rap et R&B non-stop. Hey, hey, hey. Good to see you. Come on, let's go. What it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on, let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrait busting. Halfway across.

famille. Mon public pète la foi. Au top la famille. C'est le son qui vous fait le plus réagir depuis tout à l'heure. Skyrock Classics, hashtag Skyrock Classics, KLA2SIKS. C'est Fio à l'instant, mon public. Comment tu dis, Cédric? C'est ça, ouais, Fio. Eh ouais, Cédric le Belge, j'ai pas loupé dans la spéciale de Difool ce soir avec Pierre-Emerick, Aubameyang et Lefa de Section d'Assaut. It's gonna be a party, y'all. Keith Murray rocks, five verses with Universal and Overcome. Combined with R. Kelly and prove it can be done. Non-stop in Death Squad and Rockman. I hear somebody knocking, you're on a party song. Yo, yo, who that? Step into the crib with me tonight. What's up, baby? Kelly's in the mood to make it right. Word is getting all over town. Party's over here and getting down. Yeah. Hands in the air. Get 'em up, y'all. Drinks everywhere. Oh. Wine in the hills. Yeah. Single women here are fine. It's a beautiful thing. Let your body give into your soul. Release the freak in you and lose control. Girl, there's a party going on. My temperature's warm. So let me freak you to the floor while the bass is pumping. Say my, like Johnny Gill. And Rick's girl, poor girl, get the same respect. You can all drink for free and call Earl Collect. At the moment of truth with word in the proof. We stack, shoot, and spread love like a truce. The lyrical genius with the R&B messiah in the roof, we set on fire. But as long as the party is jumping, we ain't concerned. We don't need no water, let the burn. And everybody who was somebody was there. With their hands in the air, bringing in the new year. Yeah. Stay up, come on. Nuggets on the wrist is just for shine. Cause ain't nobody checking out the time. Catching clothes for days to blow your mind. Maybe it's all good, so dance tonight. Premier sur le rap, premier sur R. Kelly avec Home Alone, le gros classique, le gros son d'R. Kelly à l'instant. Et attention, la lourdeur de la semaine prochaine. Est-ce que ça vous dirait de gagner 3 000 € de cadeaux d'un seul coup? C'est ce qui va se passer la semaine prochaine entre 6h et 9h dans le morning de Difool. Ça démarre demain matin. Soyez là à partir de 6h pour peut-être partir avec une PS4, une Galaxy Tab 4, un chèque de 1 500 €, un iPhone 6S, des places pour Rihanna et des places pour Maître Gims. Avec Skyrock, tout est possible cette semaine. Vous allez peut-être partir avec le Maxi Pack, le super morning de Difool. Toute la semaine prochaine, à pas louper, faut noter le mot de passe du jour chaque jour. Et puis à la fin, si vous avez les 5 mots de passe, si vous avez bien suivi l'émission toute la semaine, vous repartirez peut-être, partir à jour sort lundi de la semaine d'après, le 29 février à 7h30, avec la Morning avec les cadeaux qui valent plus de 3 000 euros à pas louper. Ça démarre demain matin à partir de 6h sur Skyrock.

Skyrock Classics. Classics. Kayla 2SIKS. Everybody get up. Skyrock avec Robin Sigti et Pharrell, le gros son que vous avez découvert sur Skyrock l'été 2013, c'était Blurred Lines à l'instant. C'est une nouvelle émission qu'on est en train de se faire en ce moment sur Skyrock, 18h-20h tous les dimanches désormais, c'est Skyrock Classics, les meilleurs sons de Skyrock à se faire et à se refaire. Et puis loupez pas hein, le Hit US tout à l'heure, les 10 cartons rap R&B aux États-Unis cette semaine, les anciens classiques avec les nouveaux sons, les futurs classiques à découvrir tout à l'heure avec Stéphane. Ce sera entre 20h et 21h. On se fait une version Skyrock maintenant. This is William Hot, Mims, il était passé sur Skyrock, il l'avait transformé en This is Skyrock. This is Skyrock, c'est ce qu'on écoute maintenant, Mims en version Skyrock et 113 au summum, c'est juste après. International Mims.

racially expand my horizons. Then it leaves you in a class with scrubs, never rising. I don't find it surprising if you don't have the G's to please me and bounce from here to the coast of overseas. So, let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. View it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular, and then I get back to ya. With diamond-like precision, insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mr. Billy, if you really wanna know, ask Chili, could I be a silly hoe? Not really, T-bars and all my senoritas and stepping on your felines, but you don't hit me though. En 20h tous les dimanches, c'est Skyrock Classics avec TLC No Scrubs. Il y a un programme de très haut niveau qui vous attend ce soir à partir de 21h. La plus grande radio libre de France, ce sera mixé par Vincent. Les meilleurs moments avec notamment le passage de Lefa et Aubameyang, le ballon d'or africain qui sera tout à l'heure dans la radio libre avec Gifoul et toute l'équipe. À pas louper, ce sera à partir de 21h, juste après le Hit US qui débarque dans un instant là, très très vite. Vous allez pouvoir vous faire les 10 cartons rap R&B aux États-Unis. Et puis juste avant ça, on n'oublie pas les classiques. Skyrock Classics, 18h-20h. Les deux derniers sons, c'est Econ Eminem avec Smack That. La version Skyrock en plus. Et puis Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing. À retrouver avant 20h sur Skyrock, Skyrock Classics. C'est nouveau, c'est seulement ici. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec Freeman et Khaled, voici Bladi sur Skyrock. La MC Arabica avec ouais. Khaled. Ouais. Hassim Al-Ghalia. Ya, هجرت بلادي هجرت بلادي وقعت وحدي براني هجرت بلادي وهجرت بلادي وقعت وحدي كل براني يا Même en étant plein, y'a toujours moyen de se plaindre. Geindre avec mes yeux, des cœurs vont s'éteindre. Non, rien à changer, mentalité du bled trop. Né frais, respect, fierté, jamais changerai ma peau. Marron, le daron là-bas, moi au milieu des parents. Faut ce qu'il faut, la caillasse manque. Intelligent, compté, inculte, escroqué. Basse pays du gaz, on fait des fâchés. Sans but ta gaz, sachez. La blanche représente ma fierté. Mon peuple se bat, tu vois, jamais on s'est arrêté. Chez nous, tous les jours, des princesses meurent, se meurent. Après l'horreur, le cœur ne vit plus. Sans partir, pas triste, et je suis parti, c'est pas de ma faute. Certains gros ans n'acceptent pas leur vie. Trop de monde te fuit, tu manques. C'est un très peu de choses. Gâte mon retour comme un gardien devant sa tour close. Quelques proses pour ma famille que je connais pas. Au 20e siècle, c'est pas admis. C'est pas que je peux pas, mais je veux pas y aller. Je suis pas un Zorro, et je dis seulement ce que je ressens et pas un solo. C'est la ville, le pays, le monde qui crie. Et certains, comme moi, écrivent le bled de mon pays. Plus de liberté d'expression, y'a Asima. J'allais mettre les connaissances à mon Seba. Seul, une heure d'avion nous sépare. Seul sur Notre-Dame à l'horizon, je rêve de te voir en bonne santé. Quelle gloire pour un pays sans peuple, déchiré, manipulé pour le blé. De là, je pense à toi, le bled de mon pays, en ses mains avec ses traits. Est-ce là le prix d'une liberté? D'une liberté oubliée avec ses tueries, le bled se pourrit. De là, je pense à toi, le bled de mon pays, en ses mains avec ses tueries. Est-ce là le prix d'une liberté? D'une liberté oubliée avec ses tueries, le bled se pourrit. العاصمة الغالية ناسك ما هي هانية هانية العاصمة الغالية ناسك ما هي هانية أيوة العاصمة الغالية البلاد ساشانج البلاد أرايا كيفاش تروحي من بالي من عقلي بكيت وياك أرايا نروح ونجي ما ننساش حومتي وياك العاصمة الغالية ناسك ما هي هانية يا العاصمة الغالية ليلي العاصمة الغالية شعل ما تعليق الناس يا مصيبة أيوة يا عاصمة شعل ما تعليق الناس يا مصيبة العاصمة الغالية De là on pense à toi le bled de mon pays sur Skyrock pour tout le bled en live de Skyrock ouais. Khaled pour tout le bled Inch'Allah un jour ça ira mieux Inch'Allah Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock, animé par Maxime. Convict, Skyrock, Skyrock. I see the one, could she be that lady?

Check the flavor that I'm bringing. The motherfucking D.R.E. I keep they motherfucking heads ringing. Ring a ding, yeah. Ring a ding, ding, dong. Keep the heads ringing. Ring a ding, ding, ding, dong. Yeah, come on. If you want to get on down, oh, yeah. You gotta get on come down. Just get on like down. That. Oh, oh. Debonair with flair, I scare wear and tear without a care. Running shit as if I was a mayor. But I ain't no politician, no competition. Sending all opposition to see a mortician. I'm up front, never in the backdrop. Step on stage, you get faded just like a flat top. Your rhyme sounds like your bottom and stop and go. Dre came to wax you, so just call me Mop and Glow. Minutes fly too, but just can't rock with. I'm 6'1", 225, a pure chocolate. Your chances to jack at me a Slim G, cause I rock from summer to Santa comes down the chimney. Ho, ho, ho, and so, as I continue to flow. Cause yo, I'm just a fly Negro, so check the flavor that I'm bringing. The motherfucking D.R.E. I keep they motherfucking heads ringing. Yeah, I keep they motherfucking heads ringing. Back up in that ass for the 199 to the nickel. So all you motherfuckers out there trying to get with this, don't even try. You couldn't see us with binoculars. They dig it. Yeah. I know you're bobbing your head, cause I can see you. I know you're bobbing your head, cause I can see you. You can't see me. Death Row, let me know you in the house. We out. Yeah, that's right. We out. Skyrock, premier sur le rap, premier sur les classiques. Skyrock Classic, c'est la nouvelle émission qui déchire tout tous les dimanches. Entre 18h et 20h, on écoutait Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing. Ça veut dire continue de faire sonner leur tête avec le gros son de Dr. Dre. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Et puis on va découvrir les classiques du futur maintenant avec le Hit US, les 10 sons les plus vendus aux États-Unis cette semaine. Steph. Ouais, c'est parti. Après Skyrock Classic, un nouvel épisode là à l'instant. On s'est fait plaisir pendant 2h, comme tous les voilà, dimanches. Ouais, soir, grave de la réaction dans tous les sens. Et puis là maintenant, futur classique, on pourrait l'appeler l'émission. C'est le Hit US tout de suite. Ouais, exactement. Tu veux changer le nom de mon émission? Non, non, pas du tout, Maxime. Mais ça pourrait. Pourquoi pas? Et ouais, pourquoi quelle pas. Bonne idée, Maxime. Bon, allez. Allez, c'est parti, tu es. Eh ben, 20h, on y va. Ouais, et après, c'est la spéciale de la radio de Deadpool. 14h à New York, 11h à Los Angeles.